Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons poursuivre avec un sujet autant surprenant qu'intrigant. Si je vous dis cyberattaque, vous penserez probablement à un pirate informatique. Eh bien, Mélanie Jean va nous dire que nous devrions aussi penser à un écureuil. Bonjour Mélanie. Oui, bonjour Valérie. En effet, quand on pense à cyberattaque, comme tu l'as dit, là, on pense instantanément là, au terrorisme et aux attaques de pirates informatiques qui sont souvent à l'affût d'une brèche pour voler des données ou surtout provoquer une panne qui serait significative, d'où l'importance de des attaques. Mais pendant des années, les gouvernements et les experts en sécurité ont mis en garde contre la cyberguerre qui pourrait potentiellement avoir contre des infrastructures critiques dans des villes. Les prédictions de cyberattaques qui ont fait des ravages sur des réseaux électriques, des systèmes financiers, on pense à la bourse, d'autres parties fondamentales des villes, ben, ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler, puis ça arrivait quand même au cours des dernières décennies. Et même le ministre américain de l'énergie a déclaré dans sa dernière revue trimestrielle, qui a été publiée justement en janvier 2017, que le réseau électrique aux États-Unis fait face à un danger même imminent d'une cyberattaque. Et cette semaine, je parcourais l'actualité scientifique, puis par hasard, je suis tombée justement sur un article de Québec Science qui parlait de cyberattaque animale. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais saviez-vous que la plus grande menace à la cybersécurité, non seulement des États-Unis, mais partout dans le monde, c'est pas les pirates informatiques, c'est pas les terroristes, c'est les animaux et surtout les écureuils. Et c'est pas une blague? Non, ça a l'air d'une blague, mais ça l'est vraiment pas. Il y a même un spécialiste en cybersécurité, M. Chris Thomas, qui mentionne que les services secrets ou les pirates sont des bien petits joueurs à côté d'un ennemi qui est bien plus menaçant, les écureuils. Ça peut paraître vraiment absurde, là, mais c'est vraiment un problème réel. Les écureuils sont la principale cause des pannes dans les infrastructures partout dans le monde. Et cet expert en sécurité informatique assure que la plus grande majorité des pannes électriques dans le monde sont causées par des animaux, surtout les écureuils. Et tu vas voir aussi, j'ai trouvé plein de données vraiment intéressantes. D'ailleurs, ce spécialiste recense sur une carte interactive sur son site web Cyber Squirrel One. Il répertorie d'ailleurs toutes les nouvelles, non seulement en anglais, mais j'en ai même vu en français, qui concernent les pannes électriques qui sont causées par un animal, peu importe où c'est dans le monde. En date de janvier 2017, les animaux partout dans le monde sont responsables jusqu'à maintenant de 1748 pannes. Et ça a touché 5 millions de personnes et ça a même fait 8 morts. Ah oui! Donc, c'est des données assez importantes. Ouais. Et là, j'ai fait un petit top 5. D'ailleurs, on retrouve un tableau beaucoup plus long que ça sur son site web qui recense les plus grands ravageurs, si on peut dire. Et dans l'ordre, on a évidemment en première position les écureuils qui ont causé 879 pannes. Ça, c'était pour une année 2017 ou c'était répertorié depuis, qu'on répertorie la chose? Je pense que c'est pour un an. Les oiseaux arrivent en deuxième place avec 434 pannes. Les serpents, assez étonnant, avec 83 pannes. Le raton laveur suit avec 72 pannes. Et le dernier du top 5, le rat, avec 36 pannes. Donc, le projet Cyber Squirrel 1 ne se limite pas juste aux frontières américaines. Ça répertorie plusieurs cas en France, partout dans le monde. D'ailleurs, il y a eu même un cas avec un corbeau et même une limace. Une limace. Oui. En 2013, il y a un réacteur nucléaire suédois qui a été arrêté pendant 3 jours parce qu'il y avait des méduses coincées dans les canaux de refroidissement. Ah oui. Et donc, comme tu peux voir, sous l'eau, les écureuils ont aussi de la concurrence. Oui, c'est ça. Les méduses ont perpétré des offensives, si on peut dire, sur le réseau électrique. 13, en fait, pour être plus précis. Et à l'inverse, pour te donner une idée, il y a eu seulement 3 attaques d'infrastructures majeures qui ont été liées à des interventions humaines. Ah oui, c'est ça. Dans les dernières années, il y en a eu 2 en Ukraine, il y en a eu 1 aux États-Unis, donc c'est pas énorme. Non, c'est ça. Contre combien t'as dit tout à l'heure? 1748 pannes. Pour les animaux. Oui. Et c'est seulement depuis le début de janvier. Donc, j'imagine qu'en décembre 2017, ça va être un assez gros chiffre. Je serais curieuse de retourner voir sur le site le décompte serait rendu à combien. Ouais. Donc, justement, par ce site-là, M. Thomas veut juste rappeler qu'il faut pas sauter aux conclusions trop rapidement et accuser immédiatement les pirates informatiques ou les terroristes quand il y a une panne qui survient. C'est un peu trop facile, peut-être. C'est ça. Ouais. Parce qu'on c'est un peu le réflexe qu'on a de penser immédiatement, il y a eu une attaque terroriste ou c'est encore des pirates informatiques qui veulent causer une panne pour voler des données. On ne passerait pas à une limace ou des méduses quand même. J'avoue. Et donc, avec ce site, il essaie un peu de dissiper les mythes que les gens ont au sujet de la menace de cyberguerre et essayer de concentrer justement nos efforts sur les menaces qui sont plus réelles. Donc, ça nous fait prendre conscience que ça, c'est des menaces qu'on peut quand même essayer de contrôler. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de cyberattaques qui ont eu lieu là, avec des écureuils? Ben, personnellement, moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, une de mes amies se plaignait souvent qu'il perdait le câble à la maison parce qu'il y avait beaucoup d'écureuils dans son quartier. Ah oui? Et les écureuils mangeaient les fils. Mais sinon, il y a quelque chose encore pire que ça. Selon le New York Times, en 1987, on recule un peu, il y a un écureuil qui a fait sauter le courant dans la ville du Connecticut où se situe le centre informatique qui gère le Nasdaq. Et la panne a duré 90 minutes. Ça l'a perturbé 20 millions de transactions. Ben oui. C'est énorme. Et en 94, ben, il y a un autre écureuil qui est rentré dans l'histoire. Et lui, il a détruit des câbles dans la même région. Mais il n'a quand même pas réussi à battre son collègue de 1987. La panne a duré environ 35 minutes. Ça fait relativiser un peu la situation et ça calme un peu les inquiétudes concernant les cyberterrorismes, parce que là, c'est juste un écureuil. Ces deux incidents pourraient donner l'impression que les écureuils visent particulièrement Wall Street, là, mais c'est vraiment pas le cas. Ils le savent même pas, j'imagine. Non, pas du tout. Aux États-Unis, les animaux sont responsables d'un très grand nombre de coupures. Je dis États-Unis, mais j'inclus le Canada, l'Amérique du Nord. Il y a plusieurs pannes de courant de grande ampleur qui sont souvent causées par les écureuils. En avril 2013, en Floride, il y a un écureuil qui a fait perdre l'électricité à environ 700 personnes. Plusieurs écoles y ont dû même annuler des examens qui étaient prévus ce jour-là. Il y a un journaliste qui a même tenté de recenser tous les incidents en 2013. Il a découvert un acharnement qui coûte vraiment très cher aux municipalités. Parce que selon une étude de 2005, ce genre d'incident, juste en Californie, ça aurait coûté de 32 à 317 millions de dollars par année. Oui, il y a un coût quand même derrière ça. Vraiment. Et donc là, tu nous donnes des exemples sur le territoire américain, mais au Québec, est-ce qu'on a eu ce genre d'attaque? Oh oui, plusieurs. Oui? L'été dernier, il y a une panne qui a été causée par une corneille qui s'est malheureusement électrocutée sur un fil électrique. L'incident a amené à l'annulation d'interventions même chirurgicales au Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Il y a une panne qui a touché 3000 abonnés à Unstick à Montréal en mai 2016, l'été dernier. Cette fois-ci, c'était un écureuil qui était à l'origine du court-circuit. À Sherbrooke, en 2012, il y a 20 000 personnes qui ont manqué d'électricité parce qu'il y a un écureuil qui est un petit peu trop téméraire. Puis sinon, si on recule en 2003, il y a un disjoncteur qui a sauté dans la région de Mont-Tremblant. Et le coupable était encore le petit rongeur. Et si M. Thomas, notre ami là, du fameux site web qui recense les attaques d'écureuils, veut mettre l'accent sur le fait qu'il faut pas crier tout de suite à l'attaque cyberterroriste trop vite, ben, le chercheur confirme néanmoins que les pirates informatiques, ils pourraient quand même créer un blackout total. Ouais, il faut pas minimiser le risque non plus. Non, c'est dans même plusieurs pays. Une attaque qui serait en fait probablement beaucoup plus désastreuse que celle que les écureuils sont capables de faire ou leurs amis à plumes. Mais il faut rappeler qu'une seule cyberattaque terroriste lancée par l'homme, il y en a déjà eu une, et c'est celle du Stuxnet, c'est les États-Unis et Israël qui ont frappé un complexe nucléaire en Iran en 2010. Ouais. Et cette attaque-là a nécessité quand même des centaines et des centaines d'heures de travail, des informations précises et fiables. Il fallait savoir ça à propos du complexe qui était visé. Et c'est la seule cyberattaque d'origine humaine qui aurait été avérée. Qu'on connaît, oui. D'accord. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des groupes terroristes indépendants, voire même étatiques. Selon M. Thomas, les autres, par exemple, ils manqueraient de moyens et de temps pour réaliser une telle genre d'attaque qui pourrait provoquer un blackout aussi important ou un dysfonctionnement au niveau d'un État tout entier parce que ça demande quand même une assez bonne préparation, heureusement. Mais pour l'instant, là, nos amis, les animaux, font beaucoup plus de ravages. Donc, faudrait peut-être essayer de trouver des solutions pour que ça arrive moins aussi souvent. Exactement. En tout cas, c'est une perspective intrigante, fort instructive. Oui. Merci beaucoup, Mélanie. C'est un plaisir. On fait une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et ensuite, on vous emmène dans le Grand Nord à la rencontre d'un camp scolaire pas comme les autres.